wap pase, tata pase nou kavin vieyi. An nou sispan, fè diskisyon an jwi la vi. Wap pase, tata pase nou kavin vieyi. An nou sispan, fè diskisyon an jwi la vi. Paske tata pase, an yen pa ka kampe. La vi a kontinye e nou la pa ka peti. Parce que t'as qu'à passer, la vie a continué. A nous sortir, chérie, pour nous capables de jouer la vie. Pas qu'à camper, la vie a continué et nous n'a pas qu'à bêtiser. Parce que t'as qu'à passer, la vie a continué. A nous sortir, chérie, pour nous capables, jouir la vie. Jouir la vie, c'est ça la vie, m'en est. Chérie. Chaque jour nous les fait, nous n'en discussion qui pas rapporter n'en rien. Oui, la vie, c'est ça la vie m'enlève. Doudou, oui, la vie, c'est ça où est péché. Oui, la vie, oui, la vie, chérie, amour, doudou, pour capable comprendre ça. C'est ça moi plaît, c'est ça moi plaît, doudou, doudou chérie.